Bonjour, je suis Alexandre Blais, professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke. Donc, Sherbrooke est à environ 1h30 au sud-est de Montréal. Donc, le Canada, c'est un pôle important en recherche en information quantique, en particulier, ou en fait, surtout grâce à l'Université de Waterloo, où ils ont reçu en fait des centaines de millions de dollars au cours des dernières années pour la recherche dans ce domaine-là. Les investissements viennent d'un don privé d'un des fondateurs de la compagnie Research in Motion, en fait maintenant BlackBerry, et qui est simplement un passionné de physique, qui a décidé qu'il avait fait beaucoup d'argent, c'est un milliardaire, et qui voulait redonner à la société, puis que ça c'était la façon dont il choisissait. Puis il a redonné donc à Waterloo parce que c'est la ville dont il vient, où sa compagnie BlackBerry elle est. Et ça a vraiment démarré tout un mouvement au Canada où les autres universités se sont rendues compte que c'était un domaine qui semblait intéressant, c'est un domaine prometteur, où d'autres universités commençaient peu à peu à embaucher. Et puis ça a fait un effet d'emballement d'une certaine façon. Puis maintenant, on est une belle communauté dans ce domaine-là au Canada. J'ai commencé à m'intéresser, comme je disais, à l'information quantique au niveau des études graduées, donc ce qu'on appelle la maîtrise doctorat ici. À ce moment-là, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer un stagiaire postdoctoral de l'université de UBC, University of British Columbia, donc à l'ouest complètement au Canada, qui s'intéressait aux qubits supraconducteurs. Comment réaliser un qubit à l'aide de matériaux supraconducteurs? Ça donnait que moi, j'avais déjà commencé à m'intéresser à l'information quantique. Puis j'avais une bonne idée de qu'est-ce que ça prend à un système pour faire un bon qubit, donc un qubit étant l'élément de base de l'ordinateur quantique. Et lui avait une bonne idée de la physique de ces systèmes-là. Donc on a mis nos idées ensemble, puis on a écrit un papier qui décrivait donc un des premiers types de ce qu'on appelle maintenant un qubit supraconducteur. Donc avec cette idée-là, en fait, Alexandre Zagoskin a fondé la compagnie D-Wave Systems, qui depuis est partie dans une direction plutôt différente de ce qui était notre idée originale et qui commercialise déjà ce qu'ils appellent des systèmes de traitement non standard, non classiques. Donc au cours de mes études de maîtrise et doctorat, donc environ pendant 5 ans, j'ai été assez impliqué avec cette compagnie-là. Donc on a développé différentes idées, donc différents brevets par exemple. Mais au niveau du stage postdoctoral, je suis allé dans une direction complètement différente qui les intéresse à ce moment-là puis qui continue maintenant à les intéresser. Donc, c'est à ce moment-là que nos parcours ont divergé, disons. Donc, la compagnie D-Wave qui fait donc ce qu'ils appellent pas vraiment, donc ils n'utilisent pas encore le nom d'ordinateur quantique. Puis, je pense que c'est une bonne idée de ne pas l'appeler un ordinateur quantique. Donc, c'est clairement un système qui fait quelque chose de différent d'un ordinateur standard. Eux aimeraient dire qu'il y a quelque chose de quantique, mais c'est absolument pas évident du point de vue des chercheurs dans le domaine. En fait, il y a des études récentes qui tentaient à montrer qu'il y aurait peut-être un effet quantique, puis des études encore plus récentes tentent à montrer qu'en fait, c'est pas le cas. Puis je pense qu'on va aller comme ça pendant encore probablement quelques années à se demander vraiment qu'est-ce que c'est ce système-là. Ça reste que d'un point de vue physique, c'est extrêmement intéressant. Ils font quelque chose de différent de tous les autres dans le domaine, puis ça, c'est à leur mérite, c'est à leur crédit. Ce sont par contre pas la seule compagnie qui s'intéresse à l'ordinateur quantique. C'est les seuls qui vendent un système, quantique ou non, c'est pas clair, mais c'est les seuls qui vendent un système. Mais il y a plein d'autres compagnies qui s'intéressent à l'information quantique. On peut penser à IBM, Microsoft, HP, et il y en a plein d'autres. Donc, c'est vraiment un domaine émergent qui est clairement un domaine d'avenir, puis il y a plein de compagnies qui sentent que c'est une bonne opportunité. Le système de D-Wave opère selon un modèle qui est complètement différent de ce qu'on entend par ordinateur quantique présentement. C'est un modèle qui est, d'un point de vue théorique, tout à fait légitime. Un ordinateur quantique traditionnel, même si ça n'existe pas encore, mais en tout cas, la façon dont on l'imagine pour l'instant, ça va fonctionner selon ce qu'on appelle le modèle de circuit. Un peu comme nos ordinateurs standards. nos ordinateurs standards, on a des 0 et des 1 qui encodent l'information. Et on applique des opérations logiques sur ce 0 et ces 1-là. Il y a des transistors qui encodent l'information. Et on applique des voltages sur ces transistors-là pour venir changer les 0 en 1 et les 1 en 0. Donc on applique des opérations logiques. C'est un peu de la même façon dont on imagine l'ordinateur quantique, sauf que nos 0 et nos 1 vont être quantiques, c'est-à-dire qu'on va avoir pas seulement 0 ou 1, on va avoir 0 et 1, on va avoir les deux en même temps, et c'est justement ça qui fait la puissance de l'ordinateur quantique. Pour D-Wave, l'approche est complètement différente. Et on s'imagine plutôt un problème de minimisation. Imaginez que vous habitez vous avez un immense terrain et que vous voulez chercher le point le plus bas du terrain. Donc, si votre terrain était suffisamment lisse, sans arbres et sans autres, vous avez seulement qu'à lancer une bille, disons, sur votre terrain et la bille va dévaler la pente jusqu'à arriver au minimum. Donc, de ce point de vue-là, vous venez de minimiser un problème, vous venez de trouver le minimum du niveau de votre terrain. Ça donne que cette image-là s'applique à un grand nombre de problèmes. Si je veux, par exemple, minimiser le temps de transport dans un circuit de transport en commun, on peut utiliser cette même image-là d'un potentiel. Où je veux trouver la position minimale. Dans ce cas-là, position minimale va revenir à temps minimal. Donc, on va toujours formuler ça en termes de potentiel ou d'énergie. L'ordinateur de D-Wave, c'est exactement ça qu'il essaye de faire. Donc, plutôt que d'appliquer des opérations logiques, ils vont plutôt encoder le problème dans ce qu'on appelle l'Hamiltonien de leur système ou l'énergie de leur système. Finalement, l'ordinateur va être votre terrain avec ses creux et ses buts. Ça va être un processus quantique qui va amener leur système, donc la bille dont je parlais, vers le minimum. Mais c'est quelque chose qui va se faire de façon tout à fait continue. Le système va évoluer peu à peu vers la position qui minimise, qui nous intéresse. Contrairement au modèle de 0 ou de 1, où on applique des opérations bien discrètes, 0 vers 1, 1 vers 0. Donc, c'est des modèles vraiment différents. Donc, l'ordinateur de D-Wave est basé lui aussi sur les circuits supraconducteurs, le même type de puces électroniques dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, on va avoir dans leur circuit, on va avoir des courants dans des boucles d'aluminium qui vont circuler dans un sens ou dans l'autre. Et si leur système est vraiment quantique, en fait, les courants vont circuler à la fois dans un sens et dans l'autre. C'est ça l'aspect quantique ici. Donc, l'ordinateur de D-Wave, c'est essentiellement une puce d'environ 2 cm carrés qui est justement dans un frigo à dilution, donc qui refroidit cette puce-là à environ 10 millikelvins. Ce qui fait que l'ordinateur de D-Wave, c'est un système plutôt gros, donc beaucoup plus gros que nos ordinateurs actuels. Mais ça, en soi, ce n'est pas extrêmement surprenant. Si on regarde les ordinateurs les plus puissants de la planète, on ne leur demande pas d'être aussi portables que notre téléphone intelligent. Donc, les ordinateurs puissants pour le calcul, ce sont des grosses machines. Puis, la grosseur est la même pour les ordinateurs quantiques actuels. En fait, je devrais dire pour les prototypes d'ordinateurs quantiques actuels. Donc, à quoi peut servir l'ordinateur de D-Wave? Ce n'est pas encore clair. Tant qu'on ne sait pas exactement ce que c'est capable de faire, c'est difficile de répondre à la question. Toutefois, si on croit que le modèle qui les intéresse, le modèle de minimisation d'une énergie, est le bon modèle pour décrire leur système, bien là, tous les problèmes qui pourraient être résolus par l'ordinateur quantique pourraient, en principe, être résolus sur leur ordinateur. En principe. Toutefois, tous les problèmes de minimisation, sont particulièrement bien adaptés. Donc, avec les prototypes d'ordinateurs quantiques à 1, 2 jusqu'à environ 5 qubits, on est maintenant capable de faire toutes les opérations logiques qui sont nécessaires en principe dans ce qu'on appelle un ordinateur quantique universel. Un ordinateur quantique universel, c'est simplement un ordinateur quantique qui peut faire n'importe quel calcul qu'on lui demande. Comme nos ordinateurs aujourd'hui, c'est des ordinateurs classiques universels. On peut prendre un ordinateur pour simuler n'importe quel autre système. Donc, c'est simplement un bon ordinateur. Donc, on est capable de faire toutes les opérations logiques de base. Et encore plus, on est capable de les faire avec une bonne fidélité. Donc, avec très peu d'erreurs. Parce que, évidemment, si je veux changer un 0 en 1, mais je me trompe une fois sur deux, c'est pas très bien. Maintenant, la fidélité, plutôt qu'être 50 % une fois sur deux, c'est au-delà de 99 %. Donc, dans plus de 99 % des cas, et même plus en fait, 99,9, puis peut-être encore un autre 9, c'est bon, on a fait l'opération qu'on voulait. Faire un ordinateur quantique, par exemple, comme j'ai dit au début, c'est difficile, c'est tout un challenge. Puis, ces chiffres-là sont tout juste ce qu'il faut pour qu'on puisse penser à rajouter d'autres qubits, puis faire un vrai ordinateur quantique, plus juste un prototype. Il faut encore ajouter des neufs à cette fidélité-là. Il faut encore améliorer cette fidélité-là. C'est un des défis du domaine. Nos téléphones intelligents ont maintenant des centaines de millions de transistors. Donc, un ordinateur quantique à 5 transistors, ça sert absolument à rien, si ce n'est que pour montrer que ça fonctionne. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est les calculs vraiment les plus simples, mais qui servent vraiment à rien. C'est vraiment, si on fait un calcul, c'est vraiment simplement pour montrer que oui, ça fonctionne. Par exemple, on peut faire seulement les calculs les plus simples présentement avec nos prototypes d'ordinateurs quantiques. Donc, par exemple, il a déjà été démontré à l'aide d'un ordinateur quantique que 15 est égal 3 fois 5. Évidemment, on le savait déjà, c'est pas un calcul utile à faire. On ne vient pas d'apprendre quelque chose en faisant ça. Mais on vient de montrer, par exemple, que les idées quantiques fonctionnent. Donc, la factorisation, ça a été fait par différents groupes. Ça a été fait, en fait, par le groupe de IBM, avec une toute autre technologie qui en fait basée sur la technologie d'imagerie médicale, donc la résonance nucléaire magnétique. Ça a aussi été fait avec les qubits superconducteurs et probablement avec des photons aussi. Malheureusement, ces algorithmes-là sont faits un peu en trichant. Un des problèmes, c'est qu'on n'a pas suffisamment de qubits encore avec juste 3, 4 pour encoder complètement 3 et 5. Donc, 3 et 5, c'est écrit en binaire, parce qu'on parle toujours en binaire ici, c'est à une certaine longueur, puis ça nous prendrait un peu plus de qubits. Donc, il faut malheureusement tricher un peu, puis d'une certaine façon, l'algorithme connaît la réponse. Puis ça, c'est pas correct. Donc, les prochaines générations de ces calculs-là vont enlever ça. Puis, d'après moi, ça va être fait très, très prochainement, si c'est pas déjà fait, mais pas encore annoncé. Je travaille avec des gens au CA Saclay, donc le groupe de Daniel Estève, Denis Villon, Patrice Berthet, donc qui est un des grands groupes du domaine. Je travaille aussi avec Andreas Wallraff à l'ETH Zurich, avec des gens à Berkeley, à Yale, différentes places comme ça. À chaque fois qu'on est quatre à travailler dans le domaine de l'information quantique. Donc, on est deux théoriciens, deux expérimentateurs. Donc, il y a un théoricien qui s'intéresse, David Poulin, qui s'intéresse aux aspects plus algorithmiques. Si j'avais un ordinateur quantique, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Puis ensuite, il y a les expérimentateurs. Un qui s'intéresse au bruit, donc comment comprendre le bruit dans les systèmes quantiques. L'autre qui s'intéresse à réaliser des prototypes d'ordinateurs quantiques, pas avec des supraconducteurs, mais plutôt avec des semi-conducteurs. C'est une autre technologie qui semble aussi très prometteuse. Puis il y a moi qui est entre les deux, qui est le théoricien qui va de ce que le théoricien qui s'intéresse aux algorithmes fait jusqu'aux expérimentateurs, qui finalement voit comment est-ce qu'on peut, au laboratoire, implémenter ces idées-là, puis travailler avec les expérimentateurs pour que ça se fasse. On fait de la modélisation des circuits. Donc, on essaie de trouver comment sur papier différents circuits électriques quantiques vont se comporter. On essaie de trouver les circuits les plus intéressants, de trouver les façons les plus intéressantes de les utiliser et donc de suggérer des expériences ou d'interpréter les résultats d'expériences étant donné nos modèles. Donc, on fait à la fois des calculs analytiques, donc des équations sur le papier, mais on a aussi besoin de pas mal de puissance de calcul. On a accès à l'ordinateur classique, pardon, l'ordinateur classique le plus puissant au Canada, qui s'adonne à être sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Donc, on utilise pas mal ces ressources-là. pourquoi on fait cette recherche-là d'une certaine façon, si on ne sait pas trop à quoi va servir l'ordinateur quantique. La première réponse qu'on peut donner, la plus facile, c'est ben, en fait, quand les premiers ordinateurs sont arrivés, on ne savait pas non plus à quoi ça servait. On n'avait aucune idée. Puis il a fallu mettre les ordinateurs dans les mains des utilisateurs pour que des gens suffisamment créatifs apprennent à les utiliser puis trouvent des applications. C'est un peu la même chose ici. Va falloir qu'on mette ça dans la main entre les mains des gens qui vont être suffisamment créatifs pour trouver des applications quand on verra vraiment comment ça fonctionne, pas juste sur papier. D'un autre point de vue, pour un physicien, en fait, on n'a pas besoin d'ordinateur quantique pour que cette recherche-là soit intéressante. En fait, on apprend tellement sur la mécanique quantique, donc sur notre monde, pour que pour justifier complètement, de notre point de vue, puis je pense, du point de vue de la société, ce qu'on fait, la recherche qu'on fait. Donc, à savoir si l'ordinateur quantique va remplacer l'ordinateur classique, c'est extrêmement difficile à dire, parce que donc prévoir l'avenir de la technologie, c'est toujours difficile. Mais la façon dont on le voit maintenant, c'est que nos ordinateurs classiques sont très très bons, en fait. Ils font à leur tâche, ils sont excellents. Puis on aurait plutôt un coprocesseur quantique, comme certains ordinateurs avaient il y a maintenant peut-être plus qu'une dizaine d'années. Il y avait des coprocesseurs mathématiques. Puis certaines tâches étaient passées de l'unité centrale, l'ordinateur, le CPU, vers le coprocesseur mathématique. On peut imaginer une situation analogue où là, j'ai un ordinateur classique, standard, qui, quand il rencontre un problème qui sait peut être efficacement résolu par l'ordinateur quantique, ben, l'envoie, puis prend cette réponse-là pour continuer. Ça c'est un modèle. La prédiction de l'avenir de la technologie, c'est extrêmement difficile. Donc, une question qu'on a souvent, c'est dans combien de temps est-ce que je vais en acheter un? De quoi ça va vraiment de l'air? Puis, donc, il y a une citation de Popular Mechanics, 1949, si je me souviens bien, qui dit que les ordinateurs du futur, donc ça, c'est à l'époque où ENIAC venait d'être réalisé. ENIAC, c'est le premier ordinateur digital qui était fait avec des tubes à vide. Puis, ce que Popular Mechanics nous dit à cette époque-là, c'est que l'ordinateur du futur, plutôt que d'être composé de dizaines de milliers de tubes à vide, va plutôt avoir environ 1 000 tubes à vide. Plutôt que de peser des centaines de tonnes, va peut-être peser seulement 1 tonne. Donc, clairement, ce que ces gens-là n'avaient pas vu, c'est l'invention du transistor et des circuits intégrés. Donc, il y a probablement quelque chose qu'on ne voit pas dans la route vers l'ordinateur quantique qui va nous causer des surprises.